Les aventures de Caleb Williams, de William Godwin. Tome 3e et dernier. Chapitre 1er. Je suivis la ruelle dont j'ai parlé, sans apercevoir aucune créature humaine et sans être aperçu. Les portes et les volets étaient fermés. Tout était encore dans le silence de la nuit. J'arrivais sain et sauf jusqu'au bout de la ruelle. Si ceux qui étaient à ma poursuite suivaient immédiatement mes traces, il verrait peu de probabilité à ce que j'eusse trouvé une retraite dans cet endroit, et en conséquence, il ne manquerait pas de continuer, sans hésiter, la route que j'avais été obligé de faire moi-même. La campagne, dans l'endroit où je venais de m'ouvrir passage, offrait un aspect aride et inculte. Elle était couverte d'épines et de broussailles. Le sol était presque partout sablonneux et la surface extrêmement irrégulière. Je montais sur une petite éminence, et je distinguai à assez peu de distance quelques chaumières éparses. Cette vue ne me fit pas grand plaisir. Je sentis que pour le moment il était extrêmement essentiel à ma sûreté de me soustraire à la vue de tout individu de l'espèce humaine. Je redescendis donc dans la vallée, et après l'avoir examinée avec plus d'attention, je m'aperçus qu'elle était parsemée de cavités plus enfoncées les unes que les autres, mais toutes trop peu profondes pour pouvoir cacher quelqu'un, ni même pour qu'on pût les soupçonner de servir à cet usage. Cependant, le jour ne faisait que de commencer à paraître. Le temps était bas et pluvieux, et pour un étranger à qui ces cavités n'étaient pas bien connues, l'épaisseur de l'ombre qu'elles répandaient en ce moment pouvait bien les faire présumer propres à fournir une retraite. Ainsi, tout faible qu'était le secours que je pouvais en retirer, je crus devoir user de cette ressource, pour l'instant, comme la meilleure dans la circonstance. Il ne s'agissait pas moins que de ma vie, et plus était grand le péril auquel elle était exposée, plus elle me paraissait chère. La retraite que j'adoptais comme la plus sûre n'était guère qu'à 50 toises de l'extrémité de la ruelle et des dernières maisons de la ville. Il n'y avait pas 2 minutes que je m'y tenais, lorsque j'entendis un bruit de pas précipités et que j'aperçus aussitôt le guichetier ordinaire avec un autre passé tout à côté de ma niche. Ils étaient si près de moi que si j'avais allongé la main, je crois que j'aurais pu toucher leurs habits, sans remuer de ma place. Comme il n'y avait entre eux et moi aucune partie du monticule sous lequel j'étais, je pouvais le voir en entier, quoique l'ombre fût assez étendue pour me rendre presque totalement invisible. Je les entendis se parler entre eux d'un ton fort animé de colère. « Maudit soit le pandard, » disait l'un, « où diable peut-il être allé ?»« Que son diable l'emporte, » disait l'autre. « Je voudrais seulement le tenir encore une bonne fois. » « N'aie pas peur, » répliqua l'autre, « il ne peut pas avoir plus d'un 1/2 mille d'avance sur nous. » Je ne pouvais plus les entendre, car quant à les voir, je n'osais pas seulement m'avancer d'un pouce pour regarder, de peur d'être découvert par ceux qui seraient à me poursuivre dans une autre direction. Par le peu de temps qui s'était écoulé entre l'instant de mon évasion et l'apparition de ces deux hommes, je conclus qu'ils étaient passés par l'issue que j'avais faite moi-même, car il était impossible qu'ils eussent eu le temps de sortir par la porte de la prison et de faire un détour considérable dans la ville, comme ils y auraient été obligés sans cela. Cette preuve de diligence de la part de l'ennemi m'alarma si fort que je fus quelque temps sans oser quitter seulement d'un pas le lieu de ma retraite, ni presque changer de posture. Le temps qui avait été dès le matin sombre et couvert de bruine se changea avec le jour en une pluie forte et continuelle. L'aspect triste et nébuleux du ciel et de tous les objets qui m'environnaient, la proximité de ma prison et un manque absolu de nourriture, étaient autant de circonstances qui me firent passer les heures d'une manière fort peu agréable. Toutefois, ce mauvais temps qui semblait amener avec lui le silence et la solitude m'encouragea par degrés à changer mon abri pour un autre de même genre, mais qui semblait m'offrir plus de sûreté. Je ne fis que rôder avec très peu de variations autour du même coin de terre, pendant tout le temps que le soleil demeura sur l'horizon. Vers le soir, les nuages commencèrent à se dissiper, et la lune vint apparaître dans tout son éclat, comme le soir précédent. Pendant tout le jour, je n'avais pas vu trace d'homme, si ce n'est la rencontre dont j'ai parlé. Peut-être en avais-je été redevable à la nature du temps. Dans tous les cas, je trouvais que c'était une épreuve trop dangereuse que de m'aventurer à quitter ma retraite par une nuit aussi éclairée. Je fus donc obligé d'attendre le coucher de l'astre qui m'était si contraire, ce qui n'eut lieu qu'à 5 heures du matin. Tout ce que je pus faire pour me soulager fut de me coucher au fond de ma petite caverne, ne m'étant presque plus possible de me tenir sur mes pieds. Là, je tombais dans un assoupissement pénible et interrompu à tout moment, suite d'une nuit aussi laborieuse et d'une journée aussi triste et aussi fatigante. Quoique je cherchasse plutôt à éviter le sommeil, qui, joint à la fraîcheur du temps, ne pouvait que me faire plus de mal que de bien. L'intervalle d'obscurité dont j'étais résolu de profiter pour me retirer à une plus grande distance de ma prison était tout au plus de 3 heures, dans toute sa durée. Quand je voulus me lever, j'étais accablé de faim et de fatigue, et ce qu'il y avait de pire encore, l'humidité du jour précédent, jointe au froid sec et piquant de la nuit, m'avait presque perclus les membres. Je me levai néanmoins et tâchais de me mouvoir, appuyé contre un des côtés de la butte. Je me mis à étendre dans tous les sens les muscles des extrémités, et à la fin, je parvins à sortir de cet état d'engourdissement. Cette opération fut accompagnée de douleurs incroyables, et il ne fallut pas peu de résolution pour la continuer. Après avoir quitté ma retraite, j'avançais d'abord d'un pas faible et incertain, mais à mesure que j'allais, je hâtais ma marche. Les friches qui bordaient ce côté de la ville n'étaient, du moins en cet endroit, frayées par aucun sentier. Mais j'avais les étoiles qui me guidaient, et j'étais déterminé à m'éloigner le plus possible de l'odieux séjour où j'avais été retenu si longtemps. La ligne que je suivais était sur une surface fort irrégulière. Tantôt il me fallait monter à pic, tantôt descendre un fossé très profond et très obscur. Quelquefois même, le passage était si dangereux que je me trouvais obligé de m'écarter considérablement de ma direction. Néanmoins, j'avançais toujours avec autant de rapidité que tous ces obstacles pouvaient me le permettre. Le mouvement de la marche et l'activité de l'air me rendirent plus dispos et plus alerte. J'oubliais tous les inconvénients de ma situation et je sentis mon esprit reprendre son ardeur et son énergie. J'avais d'abord gagné le bord des bruyères et j'entrai dans ce qu'on appelle ordinairement la forêt. Quelque étrange que la chose puisse paraître, il n'en est pas moins vrai qu'épuisé de faim, comme je l'étais, dépourvu de toute espèce de moyen de pourvoir à mes besoins et environné de 1000 sujets d'alarme, j'éprouvais tout à coup la chaleur et l'enthousiasme de la joie et de l'espérance. Je voyais les plus redoutables difficultés de mon entreprise surmontées, et je ne pouvais pas croire qu'après en avoir tant fait, rien de ce qui me restait à faire fût capable de m'arrêter. Je me rappelais avec horreur les chaînes que j'avais portées et le sort affreux que j'avais vu si longtemps suspendu sur ma tête. Jamais homme ne savoura plus vivement que je le fis alors les douceurs de la liberté. Jamais homme ne sentit avec plus d'énergie combien la pauvreté indépendante l'emporte sur les trompeuses amorces d'une vie de servitude. J'étendis mes bras avec transport et en battant des mains, je m'écriai « C'est à présent que je suis un homme. Hier, ses poignets étaient serrés par des fers. Chaque mouvement que je faisais pour me lever ou pour m'asseoir était marqué par le bruit de mes chaînes. J'étais lié par terre, comme une bête sauvage, et un cercle de quelques pieds de circonférence était le seul espace où je pusse m'étendre. Aujourd'hui, je puis courir en liberté. Je puis, comme un jeune daim, m'élancer sur les montagnes. Grand Dieu ! S'il est vrai que Dieu daigne compter les battements solitaires d'un cœur dévoré d'inquiétude, toi seul pourrais dire avec quel délice un prisonnier qui vient de briser sa chaîne goûte le bonheur d'avoir recouvré sa liberté. Moment sacré, moment impossible à décrire, où l'homme se ressaisit de ses droits. Mais pourtant ma vie était menacée parce qu'un homme sans foi a osé soutenir ce qu'il savait être un mensonge. J'étais destiné, au printemps de mon âge, à endurer une mort ignominieuse de la main de mes semblables parce qu'aucun d'eux n'a eu assez de pénétration pour reconnaître la vérité. Parce qu'ils ont pris pour des impostures des paroles qui partaient de l'abondance d'un cœur plein de conviction. Chose étrange, que les hommes se soumettent d'âge en âge à laisser dépendre leur vie du souffle d'un autre, et cela simplement pour que chacun ait à son tour le pouvoir de jouer, au nom de la loi, le rôle de tyran. Ô Dieu, donne-moi la pauvreté. Fais pleuvoir sur moi tous ces dangers, toutes ces traverses dont on dit que la vie de l'homme est entourée. Je les recevrai avec 1000 actions de grâce. Mais laisse-moi en proie aux bêtes féroces du désert, si jamais je dois encore redevenir la victime de ceux que l'autorité a revêtus de sa robe ensanglantée. Permets au moins que ma vie soit mon bien. Que j'ai à la défendre, j'y consens, de la fureur des éléments, de la rage des tigres affamés, ou de la vengeance effrénée des barbares, mais jamais de la cruauté froide et compassée des tyrans de la société. Quel heureux enthousiasme que celui qui m'inspirait tant d'énergie, au milieu des horreurs de la faim, de la pauvreté et de l'abandon universel. J'avais déjà fait au moins 6 000. D'abord, j'avais mis beaucoup d'attention à éviter les habitations qui se trouvaient sur ma route, dans la crainte d'être vu par les personnes du dedans et de laisser après moi des traces à ceux qui étaient à ma poursuite. À mesure que j'avançais, je crus pouvoir me relâcher un peu de mes précautions. Dans ce moment, j'aperçus plusieurs personnes qui sortaient d'un endroit un peu plus fourré du bois et venaient droit à moi. Je ne vis rien que de favorable dans cette rencontre. J'étais dans la nécessité d'esquiver l'entrée des villes et hameaux du voisinage, mais en même temps, je ne pouvais attendre plus longtemps à me pourvoir de quelque nourriture, et il était assez vraisemblable que je trouverais à cet égard un peu d'assistance auprès de ces gens-ci. Dans ma situation présente, leur emploi ou profession était une considération qui me semblait fort indifférente. Je n'avais guère à craindre de la part des voleurs, et des voleurs même, à ce que je pensais, ne pouvaient manquer d'être, tout aussi bien que d'honnêtes gens touchés de compassion pour mon état. Ainsi, bien loin de les éviter, j'allais droit sur leur passage. C'étaient des voleurs. Un de la bande s'écria « Qui va là? Arrête !» Je les abordai. « Messieurs, leur dis-je, je suis un pauvre voyageur, presque. » Pendant que je parlais, ils m'entourèrent, et celui qui avait parlé le premier se mit à me dire « Que diable viens-tu nous chanter avec ton pauvre voyageur ?» Il y a 10 ans que nous n'entendons que cela. Allons, allons, commence par retourner tes poches, afin que nous sachions si la prise est bonne. Monsieur, répliquai-je, je ne possède pas un shilling dans le monde, et par-dessus le marché, je suis à demi mort de faim. Pas un shilling? Reprit mon adversaire. C'est-à-dire donc que tu es pauvre comme un voleur? Mais si tu n'as pas d'argent, tu as des habits, et il faut que tu t'en débarrasses. Mes habits, m'écriai-je avec indignation. Il n'est pas possible que vous veuillez exiger pareille chose. N'est-ce pas assez que je sois sans un sou dans ma poche? J'étais obligé de passer toute la nuit en plein air. Voici le second jour que je n'ai pas mangé un morceau de pain. Auriez-vous bien le courage de me laisser nu par le temps qu'il fait au milieu de ce bois? Non, non, vous êtes de braves gens. Cette haine de l'oppression qui a armé vos mains contre l'insolence des riches vous dira de soulager ceux qui périssent de besoin comme moi. Pour l'amour de Dieu, donnez-moi quelque chose à manger. Ne me dépouillez pas au moins du seul bien qui me reste. » Pendant que je leur adressais cette harangue avec l'éloquence improvisée du sentiment, il ne me fut pas difficile, malgré la faible lueur du jour, de m'apercevoir à leurs gestes que 2 ou 3 d'entre eux paraissaient s'intéresser pour moi et disposés à parler en ma faveur. L'homme qui s'était déjà constitué l'interprète de la troupe s'en aperçut comme moi, et soit par brutalité de caractère, soit par jalousie de pouvoir, il voulut s'épargner la honte d'avoir le dessous. En conséquence, il se hâta de prévenir les autres, en se ruant brusquement sur moi et en me poussant de plusieurs pas hors de la place où j'étais. La secousse que j'avais reçue attira sur moi un autre de la bande qui n'était pas du nombre de ceux qui m'avaient paru écouter ma remontrance, et celui-ci répéta la même brutalité. Ce traitement m'indigna au dernier point. Et après avoir été ballotté 2 ou 3 fois en avant et en arrière, je me dégageai de mes assaillants en faisant volte-face et me mis en posture de me défendre. Le premier qui s'avança jusqu'à ma portée était celui qui avait commencé l'attaque. Je n'écoutai alors que le mouvement de ma colère et l'étendis par terre de tout son long. Au même instant, je fus assailli de tous côtés. Ils tombèrent sur moi avec de gros bâtons noueux et je reçus un coup qui me fit presque perdre connaissance. Celui que j'avais renversé s'était relevé, et au moment où je tombais, il m'asséna un revers de coutelas qui me fit une profonde blessure entre le col et l'épaule. Il allait redoubler. Les deux, dont l'animosité avait paru s'ébranler dans le commencement, se mirent aussi, à ce qu'il me sembla, en devoir de se joindre à l'attaque, soit par une sorte de mouvement machinal, soit par esprit d'imitation. Cependant, un d'eux, à ce que j'ai su depuis, saisit le bras du voleur qui se disposait à me frapper une seconde fois de son coutelas et qui sans cela eut vraisemblablement mis fin à ma faible existence. J'entendis ces mots. « Assez, assez donc, que diable, Gainas, c'était trop si trop mauvais. »« Pourquoi cela ?» reprit une seconde voix. « Il va languir ici dans le bois et mourir à petit feu. C'est une charité que de l'achever pour l'empêcher de souffrir. » On s'imagine bien que je n'entendais pas cette espèce de débat sans intérêt. Je fis un effort pour parler, mais la voix me manqua. J'étendis la main d'un air suppliant. « Vous ne le frapperez pas, par Dieu, » dit une des voix. « À quoi bon être des assassins ?» Enfin, le parti de la clémence l'emporta. Ils se contentèrent donc de me dépouiller de mon habit et de ma veste, et puis de me rouler dans un fossé à sec qui était près de là. Ensuite, ils me laissèrent, sans s'occuper le moins du monde de la malheureuse situation où j'étais, ni de l'abondance de sang qui coulait de ma blessure.